Alors, si vous avez besoin des feuilles, vous me dites, il y en a. Pas que vous digérez, vous digérez quand même. On a des feuilles. Hein? C'est moi qui distribue, d'accord. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد nous continuons donc sur notre lancée dans cette lecture de ce passage du livre تهذيب الأسماء واللغات de Abu Zakariya al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce passage qui a donc été isolé et qui a été appelé Tahdhib al-Sira al-Nabawiya et traduit sous le titre de l'essentiel de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions lu, après avoir introduit le sujet, ce qui est relatif à la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses noms et surnoms. Également, un bref passage relatif à sa mère, puis à sa naissance sallallahu alayhi wa sallam. Et nous en arrivons donc aujourd'hui au passage dédié à son décès sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. L'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala de continuer en disant son décès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé dans la matinée du lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal, de l'an 11 de l'Hégire, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, à partir de laquelle débute le calendrier musulman. Naam. Donc ce chapitre, il est relatif au décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que l'auteur il a dans ce chapitre évoqué le moment de son décès, c'est-à-dire à quel moment de la journée le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, le jour de son décès, ainsi que son mois et son année. Comme vous venez de l'entendre, le livret que nous avons entre les mains, il faut savoir que c'est un résumé dans lequel l'auteur, rahmatullahi alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cherché à réunir quelques informations relatives à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans pour autant viser le développement ni l'exhaustivité ni le fait de suivre une chronologie particulière. Mais son but, c'était, comme nous l'avons dit précédemment, d'entamer cette série de biographies que l'on peut trouver dans son livre « Tahdhib al-Asma'i wal-Lughat » par une brève présentation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que l'on remarque qu'il a parlé, qu'il a évoqué le décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dès le début de ce livret que nous avons entre les mains. Et j'ai jugé opportun, nous concernant, d'introduire l'étude de ce chapitre par une présentation de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons abordé sa lignée, ses noms et surnoms. Nous avons également parlé de sa mère. Et on va se rendre compte que l'auteur, du fait que justement il n'a pas suivi une chronologie particulière, il va par la suite en arriver à parler de son père. On a également parlé de sa naissance, et avant d'évoquer sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il est peut-être opportun pour nous nous autres débutants et novices, d'avoir un aperçu général de sa noble vie, sallallahu alayhi wa sallam. Cette vie qui fut remplie de faits marquants et de grands enseignements. Le messager d'Allah, notre prophète, Mohammed, fils de Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, est donc né l'année de l'éléphant, comme nous l'avons vu, qui correspond à l'an 570 ou 571 du calendrier grégorien. Il est issu d'une noble lignée, comme nous l'avons vu, et il est né orphelin. Son père étant mort avant sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, son enfance fut marquée par le décès de sa mère, alors qu'il était tout jeune. Puis c'est son grand-père, Abd al-Muttalib, qui l'a pris sous son aile. Cependant, Abd al-Muttalib est mort quelque temps plus tard, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était âgé de 8 ans. Et c'est ensuite son oncle, Abu Talib, qui l'a pris sous son aile. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était connu, avant même d'être désigné prophète, par Allah tabaraka wa ta'ala, pour être quelqu'un digne de confiance. Et quelqu'un de véridique. Les membres de sa tribu s'accordaient sur le fait qu'il était le véridique et digne de confiance, sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il ne se livrait pas aux actes de débauche, même avant sa prophétie, et il ne participait pas aux pratiques païennes, polythéistes, idolâtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc de bonnes mœurs. À l'âge de 25 ans, il s'est marié avec Khadija, la fille de Khuwaylid, radiyallahu anha. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui donna 6 enfants. Qu'enfanta Khadija radiyallahu anha, Al-Qasim, ainsi que Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Cela avant la période de la prophétie. Puis après la révélation, alors qu'il était toujours à la Mecque, Abdullah. Sachant qu'il eut un autre enfant, un autre fils, qui est né 8 ans après l'Hégire, et dont la mère était Maria al-Qibtiya, Marie la Copte, qui était une servante du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui avait été envoyée et offerte par Al-Muqawqis, le roi d'Alexandrie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de se retirer et de s'isoler dans la grotte du mont Hira afin d'y adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que son adoration consistait majoritairement au fait de méditer. Un jour, pendant le mois de Ramadan, l'ange Jibril s'est présenté à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut effrayé du fait de cette vision, car il a vu Jibril sous sa forme originelle, sachant que sa vision obstruait l'horizon étant donné qu'il était doté de 600 ailes, alayhi salam. Jibril s'est donc présenté à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il l'a serré contre lui à tel point qu'il eut du mal à respirer. Puis il le relâcha en lui disant « Lis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Je ne suis pas un lecteur » dans le sens où je ne sais pas lire. Jibril le serra à nouveau contre lui, à tel point qu'il éprouva du mal à respirer. Puis il le relâcha en lui disant « Lis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Je ne suis pas un lecteur ». Jibril le serra alors une troisième fois, puis lorsqu'il le relâcha, il lui dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq » ainsi que les versets suivants « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une adhérence » jusqu'à donc la suite des versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut pris de peur. Et suite à cela, il a rejoint son épouse Khadija, qu'Allah l'agré, qui l'a réconforté en citant certains de ses nobles caractères, en lui disant notamment qu'il est quelqu'un de droit, quelqu'un qui aide les gens et qui est digne de confiance, et ainsi de suite parmi les nobles caractères du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dont il était paré avant même d'être prophète et que Khadija énuméra en lui disant pour finir « Allah ne t'avilira jamais. » Puis, elle se rendit en sa compagnie chez son cousin paternel nommé Waraqa ibn Nawfal. Et lorsque Waraqa entendit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu, il lui a dit, et il lui déclara la chose suivante, il a dit, c'est là le confident qu'Allah envoya à Moussa, c'est-à-dire à Moïse. C'est là le confident, en visant Jibril, qu'Allah envoya à Moussa. Puis Waraqa, qui était un arabe, chrétien, qui avait une certaine connaissance du livre, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si seulement j'étais présent lorsque tu seras chassé par ton peuple, je t'apporterai un grand secours et je te secourrai comme je peux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, vont-ils m'expulser ? Waraqa de lui répondre, il n'est pas un prophète qui se soit présenté avec le message avec lequel tu te présentes sans qu'il ne soit pris comme ennemi. Puis une certaine période s'écoula. Et suite à cela, Allah tabaraka wa ta'ala révéla « Ya ayyuha al-muddathir, ô toi le revêtu d'un manteau » en référence au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait rejoint Khadija, apeuré, il a demandé à être recouvert d'un manteau. Allah tabaraka wa ta'ala a donc révélé, « Ya ayyuha al-muddathir, ô toi le revêtu d'un manteau, qum fa anzir, lave-toi et avertis, wa rabbaka fa kabbir, et ton Seigneur proclame sa grandeur. » وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ et tes vêtements purifiés. وَالرُّجَزَ فَهْجُرْ et de la souillure, écarte-toi. Le terme souillure vise notamment ici la souillure des idoles. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ Et ne donne pas afin de recevoir davantage. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ Et pour ton Seigneur, fais preuve d'endurance. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en plus d'avoir été désigné prophète, Mohammed, fils de Abdullah, fut désigné messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Puis, suite à cela, Allah tabaraka wa ta'ala révéla وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ et avertis les membres de ton clan les plus proches. Et c'est à partir de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvertement fait part du message et qu'il a appelé son clan à adorer exclusivement Allah tabaraka wa ta'ala et à s'écarter de toute forme de polythéisme et à racheter leur personne en leur déclarant qu'ils ne pouvaient rien pour eux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est à partir de ce moment-là que les polythéistes firent montre d'une aversion féroce à son égard, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il fut persécuté ainsi que ses compagnons, qu'Allah les agrée, qui étaient à ce moment-là un faible nombre. Et ils ont subi bon nombre de persécutions, à tel point que les plus faibles d'entre eux furent châtiés par les polythéistes de la tribu de Quraysh. Il s'en suivit qu'une vingtaine de croyants et de croyantes émigra vers l'Abyssinie, ce qui correspond à la première émigration vers l'Abyssinie, qui fut suivie de la seconde, durant laquelle un nombre plus important de croyants et de croyantes émigra vers l'Abyssinie. Leur nombre s'élevait approximativement à 80. Ils ont donc émigré afin de fuir les persécutions de la tribu de Quraysh. Et ils se sont réfugiés dans le royaume de Najashi, qui était un roi juste. Suite à cela, les polythéistes de Quraysh ont continué leur persécution à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons qui étaient restés avec lui à Médine. Et ils se sont unis autour du fait de chercher à assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce dernier, alayhi salat wa salam, trouva refuge auprès des tribus de Banu Hashim et de Banu Abdul Muttalib. Voyant qu'ils ne pouvaient pas arriver à leur fin, les polythéistes se sont unis autour du fait de couper tout lien avec les tribus de Banu Hashim et de Banu Abdul Muttalib qui avaient protégé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur tentative d'assassinat. Un blocus commença alors qui dura 3 ans. 3 ans durant lesquels ils furent acculés dans le fief d'Abu Talib, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib qui n'avait pas embrassé l'islam, mais qui aimait son neveu, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui était resté fidèle, et l'a protégé contre les différentes persécutions menées par les polythéistes de son peuple, sans que pour autant il n'embrasse l'islam, alors qu'il reconnaissait la véracité de son neveu sallallahu alayhi wa sallam et la véracité de son message. Mais il a préféré mourir sur la religion de son père Abd al-Muttalib par orgueil et suivi de la religion des ancêtres, alors qu'il reconnaissait, comme je vous l'ai dit, et comme en témoigne bon nombre de vers de poésie qu'il a pu composer, qu'il reconnaissait de la véracité du message avec lequel s'était présenté son neveu, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, il disait « Wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khayri adyan al-bariyati dina lawla al-malamatu wa hidharu masabbatin la wajadtani samhan bidhaka mubina. » Et j'ai certes su que la religion de Mohammed est la meilleure des religions existantes dans la création. Et si ce n'était la crainte des blâmes et des injures, tu m'aurais trouvé soumis à cette vérité évidente. Donc Abu Talib a secouru son neveu, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a subi également ce blocus, ainsi que les tribus de Banu Hashim et de Abd al-Muttalib. Et ce blocus, il a pris fin en l'an 10, c'est-à-dire 10 ans après l'avènement de la prophétie. Et il a duré 3 ans. Et il s'est achevé en l'an 10, après l'avènement de la prophétie. Cette 10e année, qui est l'année durant laquelle l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, fille de Khuwaylid, décéda. Décès qui fut suivi du décès de son oncle Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut très affecté par ces deux décès. C'est d'ailleurs pour cela que cette année est appelée l'année de la tristesse. Mais suite à cela, Allah tabaraka wa ta'ala a soutenu son messager sallallahu alayhi wa sallam par un événement grandiose qui eut lieu également cette année-là, à savoir le voyage et l'ascension nocturne. Le voyage et l'ascension nocturne, le voyage nocturne désigne le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplaça en une nuit depuis la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Quant à l'ascension nocturne, elle désigne le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut élevé jusqu'à arriver à ce que l'on appelle Sidratul Muntaha, qui est communément traduit comme étant le lotus de la limite. Et c'est durant cette ascension nocturne que la prière fut rendue obligatoire. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam résida à la Mecque durant 3 ans, en y accomplissant les 5 prières obligatoires. Et les persécutions polythéistes continuèrent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisissait les occasions lorsqu'il y avait, à certaines périodes de l'année, des rassemblements à la Mecque pour exposer son message aux gens. Et c'est suite à cela que des premiers contacts furent noués entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une délégation de Médinois qui était composée de quelques membres de la tribu d'Al-Khazraj qui adhérèrent au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à partir de là que le message de l'islam commença à se répandre à Médine. Lorsque ces quelques Médinois qui avaient apporté foi au message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam regagnèrent Médine, ils firent se répandre le message de l'islam. Et c'est suite à cela, et bien sûr ici je vous expose tout cela en résumé, que certains compagnons commencèrent à émigrer de la Mecque jusqu'à Médine. Les polythéistes se rendirent compte de cela et ils se sont ligués contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont commencé à craindre qu'ils prennent de l'ampleur et qu'ils commencent à avoir des adeptes qui en viendraient à le soutenir et qu'ainsi il ne soit plus dans cette situation de faiblesse dans laquelle il était jusqu'alors. Et ils ont donc rusé contre lui afin de soit l'empêcher d'agir, soit le tuer, soit l'expulser. Et c'est suite à cela que permission lui fut faite, sallallahu alayhi wa sallam, d'émigrer. Et il émigra en compagnie de son fidèle compagnon Abu Bakr, le grand véridique, qu'Allah l'agré. Il émigra donc de la Mecque jusqu'à Médine en sa compagnie, qu'Allah l'agré. Arrivé à Médine, ils furent accueillis par les auxiliaires, Al-Ansar, les croyants de Médine, notamment des tribus d'Al-Aus et d'Al-Khazraj. Et suite à cela, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam se diffusa. Et il continua à appeler à l'exclusivité du culte devant être voué à Allah et à condamner ce qui s'y oppose comme différentes formes de polythéisme, chose à laquelle il s'était consacré durant les 13 années qu'il vécut à la Mecque en tant que prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il continua sans relâche, en faisant preuve d'endurance, à appeler à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et à condamner tout ce qui s'y oppose comme différentes formes de polythéisme. Le restant des pratiques cultuelles fut légiféré durant cette période médinoise qui vit se dérouler bon nombre de batailles qui sont approximativement au nombre de 25. Parmi les plus connues, celle qui eut lieu en l'an 2 de l'Hégire, la bataille de Badr. Également en l'an 3, celle de Uhud. Et en l'an 5, celle d'Al-Khandaq, ainsi que celle de Banu Qurayza, ainsi que celle d'Al-Mustaliq, et en l'an 7, la bataille de Khaybar, et en l'an 8, la conquête de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conquit la Mecque en l'an 8 de l'Hégire. Et il entra à la Mecque alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait donné la victoire. Il y entra avec humilité et modestie. Alayhi salatu wassalam. Et il saisit l'occasion pour briser les idoles qui se trouvaient autour de la Kaaba, de sa propre main, sallallahu alayhi wa sallam. Et durant la même année, eut lieu la bataille de Hunayn, qui fut suivie par celle de Ta'if. C'est donc une vie pleine, remplie de faits marquants, que la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Une vie pure, une vie pleine de moralité, de bonnes mœurs, de sincérité, de véracité, de don de soi, de sacrifice, d'endurance face à ce qui découle des décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala comme épreuve. Rendez-vous compte que notre prophète alayhi salatu wassalam a grandi orphelin. Il a rapidement perdu sa mère, puis son grand-père qu'il avait pris sous son aile. Il faut savoir également qu'il a eu au total 7 enfants, que j'ai mentionnés précédemment, et que 6 d'entre eux sont morts de son vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à sa fille Fatima, qu'Allah l'agré, elle est morte 6 mois après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il a également perdu son épouse Khadija, qui était d'un grand soutien pour lui, alors qu'il était persécuté par son peuple. Il a également perdu son oncle Abu Talib, qui, bien qu'il n'était pas musulman, l'a énormément secouru à un moment où il était persécuté et en situation de faiblesse. Et ainsi de suite parmi les nombreuses épreuves que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vécu. Il a donc conquis la Mecque en l'an 8, puis d'autres batailles survinrent par la suite. Et suite à cela, s'approcha le terme de sa noble existence, sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement, cette catastrophe qui avait été annoncée par Allah tabaraka wa ta'ala de manière générale dans certains versets, notamment sa parole azza wa jal, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tous ceux qui s'y trouvent sont voués à disparaître, et seul restera le visage de ton Seigneur. Doté de majestuosité et de générosité. Également, à travers sa parole, Azza wa Jal, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Et nous n'avons donné à aucun homme avant toi d'être éternel. Si toi tu meurs, est-ce que ce sont eux qui vont être éternels? Toute âme doit goûter à la mort. Et nous vous éprouvons par le mal et le bien à titre de tentation. Et c'est vers nous que vous serez ramenés. Le décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut également l'objet d'annonces plus particulières. À titre d'exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Et Mohammed n'est qu'un messager avant qui vinrent des messagers. S'il meurt ou s'il est tué, allez-vous donc rebrousser chemin? Et quiconque rebroussera chemin ne causera nullement préjudice à Allah. Et Allah récompensera par la suite ceux qui sont reconnaissants. Et également la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il révéla en s'adressant à son messager sallallahu alayhi wa sallam: innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum inda rabbikum yawm al-qiyamati takhtasimun thumma innakum yawm al-qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Tu es certes voué à mourir. Et ils sont voués à mourir. Puis, le jour de la résurrection, auprès de votre Seigneur, vous disputerez. Également, parmi les annonces du décès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la venue du secours et de la conquête venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'entrée des gens en masse dans la religion. Allah Azza wa Jal a dit dans son noble livre, dans la sourate intitulée An-Nasr, le secours, « إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ » Lorsque le secours venant d'Allah et la conquête viendront, « وَرَأَيْتَ النَّاسِ » يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَا, et que tu verras les gens entrer en masse dans la religion. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Proclame donc la pureté de ton Seigneur en lui adressant les louanges et implore-lui son pardon, car il est certes le grand accueillant au repentir. En l'an 10 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage. À la fin de cette année, l'an 10 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage. Ce pèlerinage qui est le seul pèlerinage qu'il a accompli alayhi salatu wa salam, et qui fut appelé le pèlerinage d'adieu. Et c'est durant ce pèlerinage, le 9e jour de Dhul-Hijja, le dernier mois de l'année, qu'Allah tabaraka wa ta'ala révéla le verset « Al-Yawma, akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et vous ai comblé de mes bienfaits, et ai agréé pour vous l'islam comme religion. Verset constituant une nouvelle annonce de la mort, du décès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lors d'un discours qu'il tint et lors d'un sermon qu'il adressa à ses compagnons, qu'Allah les agrée, il a dit: il est possible que je ne vous rencontre plus suite à l'année que nous vivons. Et durant ce sermon, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné un certain nombre de directives à ses compagnons en leur disant notamment alayhi salatu wa salam, je vous ai laissé ce avec quoi vous ne vous égarerez jamais, le livre d'Allah. Et vous allez être questionnés à mon sujet. Qu'allez-vous donc dire? Les compagnons, alors présents, qu'Allah les agrée, de répondre, nous attestons que tu as transmis le message et que tu t'es déchargé de la responsabilité qui t'avait été donnée et que tu as été d'un conseil loyal vis-à-vis de la communauté. Et c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva son noble doigt vers le ciel en disant, n'ai-je donc pas transmis, ô Allah, sois témoin. Et à plusieurs reprises, il dirigea son noble doigt sallallahu alayhi wa sallam vers ses compagnons en le redirigeant vers le ciel et à nouveau vers ses compagnons radiyallahu anhum, en prenant Allah subhanahu wa ta'ala à témoin de ce dont il venait d'attester qu'Allah les agrée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna à Médine. Et il arriva à Médine une semaine avant la fin du mois de Dhul-Hijja, le dernier mois de l'année, ce qui nous ramène donc à la fin de l'an 10 de l'Hégire. Et demain, bi-idhnillah, nous nous retrouverons autour de la suite du retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et du début de la maladie du messager alayhi salatu wa salam, qui fut la maladie qui entraîna son décès alayhi salatu wa salam. Et ce décès donc qui est à juste titre considéré comme étant la plus grande des catastrophes que cette communauté ait pu vivre. Nous pouvons même dire que c'est là la plus grande des catastrophes que l'humanité ait pu connaître. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait à ses compagnons, lorsque l'un d'entre vous est touché par une catastrophe, qu'il se rappelle la catastrophe qu'il a touchée et qui est liée à ma personne. Ou comme il le disait, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va s'en tenir donc à cela pour ce soir. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Non. Je peux préciser sur le...